Chapitre 7e. Au sortir de la maison du sénateur, Rusticus et sa femme avaient, pour rentrer chez eux, suivi à pied la voie aurélienne où s'était passée une bonne partie de cette histoire. Le vieux paysan ne disait mot et marchait d'un pas ferme. La grosse Rustica se traînait derrière lui avec peine et s'arrêtait à chaque instant pour essuyer les larmes qui lui mouillaient les joues. La pauvre femme faisait peine à voir. Chaque pierre du chemin où elle avait passé tant de fois avec Gala lui rappelait l'enfant qu'elle avait perdu par sa faute, et elle sanglotait à grand bruit sans que le visage morose de Rusticus changeât d'expression. Ils rentrèrent vers le soir dans leur pauvre demeure, et pendant que son époux, toujours muet, se laissait tomber sur un tabouret, Rustica, machinalement, jeta du bois dans l'âtre et prépara le souper. Mais la bouillie de blé et les choux qui composaient leur ordinaire étaient depuis longtemps sur la table que ni l'un ni l'autre n'y avait encore touché. La lampe même n'était pas allumée, et c'était à peine si au reflet vacillant du foyer, la ménagère pouvait apercevoir Rusticus assis sans bouger dans un coin, et dont le silence prolongé l'effrayait. Son faible cœur, qui ne trouvait de soulagement que dans la plainte, défaillait devant une douleur aussi farouche, et l'ombre à chaque instant croissante augmentait encore la terreur que lui inspirait une nature aussi différente de la sienne. Deux ou trois heures se passèrent ainsi, et Rusticus, toujours morne, restait immobile sur son siège. Mais il vint un moment où sa femme, impuissante à dominer l'émotion qui l'étreignait, parla pour parler, pour entendre le son de sa propre voix, pour n'être pas seule dans les ténèbres avec cet homme dont elle ne distinguait plus les traits, mais dont elle sentait peser sur elle la présence, pleine de mystérieuses menaces. Se dirigeant à tâtons dans l'obscurité, elle se laissa tomber à genoux devant lui, comme elle l'avait fait bien des années auparavant sur la voie aurélienne, la nuit où elle le suppliait de recueillir Galla. « Pardonne-moi, ô mon époux, » dit-elle en saisissant la main droite de Rusticus et en la portant respectueusement à ses lèvres. Pardonne-moi encore une fois tout le mal que j'ai pu te faire. J'en jure par les divinités protectrices de notre foyer, c'est malgré moi que j'ai péché en révélant l'origine de Galla, et comme si un dieu lui-même eût fait contre ma volonté sortir les paroles de ma bouche. « À quoi bon t'accuser, femme ? » répondit Rusticus. « Une volonté supérieure à la tienne a tout conduit, et Galla, je le vois bien, n'était pas née pour vivre et mourir avec nous. » Nous avons fait notre devoir envers elle, les dieux ont fait le reste. Hélas, dit Rustica, dont les pleurs recommencèrent à couler, hélas, je ne m'en consolerai jamais. Oh, ma chère, ma bien-aimée Gala, que vas-tu devenir maintenant? Qui te réveillera, comme je le faisais, d'un baiser sur le front à l'heure où ton pauvre père s'en allait au champ? Qui t'apprêtera tes mets favoris? Qui tressera désormais tes beaux cheveux noirs que je brouille à dessein pour avoir la douceur de les démêler plus longtemps? « Silence, femme, silence !» murmura le paysan. « Tes paroles me font mourir. » Mais Rustica, égarée par la passion, ne l'entendait pas. Elle s'était prosternée à terre et frappait de son front le plancher. « Où es-tu, ami, tendre ami ? » disait-elle. « Où t'es-tu envolé, ma colombe adorée ? Hélas, cher enfant, tu as de l'or, tu as des esclaves, tu as des bijoux, mais toutes ces richesses peuvent-elles remplacer le cœur d'une mère ? Et dire que je ne te verrai plus jamais, non, jamais. Je passerai devant ta maison, et les portes ne s'en ouvriront pas devant moi. Et qui sait si toi-même, marié plus tard à un fier patricien, tu voudras te souvenir de la vieille Rustica ? Assez, femme ! S'écria le paysan. Je t'ordonne de te taire, tu blasphèmes contre notre enfant. Il parlait ainsi quand la porte de la chaumière, qui était mal fermée, s'ouvrit tout doucement, et une forme blanche, qui formait une tache à peine visible dans les ténèbres, apparut sur le seuil. Mais ni Rusticus ni sa femme, absorbés par leur douleur, n'y prirent garde, et après quelques instants de silence, Rustica reprit d'un ton chagrin et comme se parlant à elle-même. « Je blasphème, par Castor, je blasphème. Mais alors pourquoi ne nous a-t-elle même pas embrassés avant notre départ ?» Un soupir venu de la porte lui répondit, un douloureux soupir, mais si faible qu'il se perdit dans les paroles de Rusticus. « Le pouvait-elle ? » dit-il avec force. « Le pouvait-elle, je te le demande, au milieu de ses parents patriciens qui nous dévisageaient avec tant de mépris ? Je réponds de Galla comme de moi-même, et je me porte sa caution contre toi, ma femme, contre tout le monde, que rien ne changera son cœur. Mais ce cœur, que j'ai connu si tendre et si affectueux, devint-il aussi dur qu'un rocher, je remercia encore les dieux immortels, si même à cette condition Magalla pouvait être heureuse. « Peut-elle l'être sans vous, chers parents ?» s'écria tout à coup la voix bien connue de Galla, qui, arrêtée depuis quelques instants au seuil de la chaumière, se précipita sans plus attendre dans les bras de ceux qui la pleuraient. L'enfant perdu était retrouvé. Sa mère, riant et pleurant à la fois, ne se lassait pas de couvrir sa tête adorée de baisers. Et Rusticus dut se fâcher pour que Galla pût enfin parler et leur apprendre par quelle aventure singulière elle se trouvait enfin de retour au village. La lampe fut allumée, une brassée de sarments pétilla dans l'âtre et fit danser sur le mur des ombres joyeuses. Et placée à table entre son père et sa mère qui la dévoraient des yeux, Galla raconta en riant comment elle s'était enfuie de la maison de Pudentius. Oh, personne ne s'y était opposé, du reste. Le prince du Sénat était au champ de Mars avec son fils, et le portait Simulus, en la voyant sortir toute seule, sans suivante et sans litière. « Sans litière, mère, entends-tu cela? Ta Galla sortait sans litière. » N'avait pas osé l'arrêter, mais s'était borné à ouvrir une bouche grande comme le four où Rustica faisait cuire son pain. « Par exemple, ajouta Galla, j'ai marché vite sur la route, je vous prie de le croire, et la moindre feuille que le vent jetait à mes trousses me semblait un licteur qui courait après moi pour me ramener à mon nouveau logis. Et tu n'as pas eu peur, toute seule, par cette nuit obscure ? Demanda Rusticus en souriant. « Peur, mon père, plaisantes-tu ? Ta fille Galla avoir peur ? Eh bien si, tout de même, une petite fois seulement, mais vous ne le direz à personne. C'est en passant devant le temple de Vesta que j'ai eu cette faiblesse. Mais ce soir, par bonheur, il n'y avait personne. Et si j'ai couru un peu vite à ce moment, je ne m'en repens pas, puisque je suis arrivé ici à temps pour entendre les vilaines choses que Rustica disait sur mon compte. » C'est ainsi qu'elle parlait d'une voix vibrante, où l'on sentait encore l'émotion de sa fuite. Sa nature, d'ordinaire ferme et calme, semblait s'être détendue ce jour-là. Elle bavardait, elle riait, jetant un baiser à droite, en recueillant un autre à gauche, l'esprit libre et le cœur à l'aise, comme si son escapade eût levé sur le champ toutes les difficultés qui s'attachaient à sa situation. Rustica, tout entière au bonheur de l'avoir reconquise, ne s'inquiétait guère du lendemain, et le paysan, plus sérieux et plus clairvoyant, hésitait à troubler leur joie par des paroles de mauvais augure. La nuit était déjà avancée quand ils se couchèrent et, de son lit, placé dans une pièce voisine, les époux entendirent encore pendant plus d'une heure la jeune fille leur envoyer des baisers et leur faire part, en riant, de ses innocents projets d'avenir. Mais enfin, elle s'endormit, eux-mêmes cédèrent au sommeil, et leur vieux coq, qui lui se réveilla à la même heure que les jours précédents, fut tout scandalisé de voir ses maîtres faire, contre leur habitude, la grasse matinée. La basse-cour tout entière, qui n'osait pas avoir un autre avis que le sien, partagea son indignation. Le soleil, qui s'était levé bien après le vieux coq, était déjà en route depuis quelque temps quand Rusticus le premier ouvrit les yeux. Au même instant, une fanfare militaire éclatait dans les rues du village. Les pas d'une troupe nombreuse de chevaux ébranlaient le sol, et les habitants de la chaumière avaient à peine eu le temps de se lever que retentissait à la porte le bruit produit par la baguette d'un licteur. C'était Pudentius qui venait, en grande pompe, chercher sa fille. Son cortège, formé de licteurs, de soldats, de parents de la famille et de clients, s'étendait au loin dans la campagne. Autour d'eux, les paysans émerveillés écarquillaient les yeux, et le père Grumion, placé au premier rang, expliquait avec amour aux gamins du village les différentes pièces dont se composait à cette époque l'armement d'un soldat. Quand Galla, encore à peine vêtue, aperçut Pudentius qui descendait de cheval et se dirigeait vers elle, elle devina facilement ce dont il s'agissait. La colère la saisit, mêlée d'un profond dégoût pour cette famille de patriciens auxquels la rattachait sa prétendue origine, et elle allait apostropher avec violence le sénateur quand Rusticus, avec l'autorité qui lui était naturelle dans les grandes circonstances, la retint. « Arrête-toi, ma fille, et laisse-moi parler. C'est moi qui suis ici le maître de la maison. C'est moi seul qui dois répondre pour toi. »« Mais au moins, père, » dit Galla d'un ton passionné, « tu ne me livreras pas à mes ennemis. »« Je ferai mon devoir, ma fille, » répondit tristement Rusticus. Pour atténuer l'apparente dureté de ses paroles, il passa la main en forme de caresse sur la tête de la jeune fille et dit ensuite à Pudentius, qui s'était avancé jusqu'au milieu de la pièce, « Homme, qui que tu sois, de quel droit pénètres-tu par violence, avec cette escorte de licteurs et de soldats, dans la maison d'un citoyen romain ? » Pudentius poussait trop loin le respect de la loi pour ne pas se sentir atteint par le juste reproche qui lui était adressé. D'ailleurs, s'il eût pu parler avec franchise, il eût avoué que toute cette affaire l'intéressait médiocrement. Une fille de plus ou de moins dans sa très nombreuse famille n'était pas faite pour exciter ni son enthousiasme, ni ses regrets, et il eût fort bien pris son parti de la perte de Galla, qu'il connaissait à peine, sans les plaintes de ses proches, dont l'orgueil se révoltait à l'idée qu'une Pudentia, bien et dûment constatée comme telle, pût vivre au champ comme une bête et faire souche de petits paysans. Les clients, plus orgueilleux encore que leur patron, pensaient de même, et c'est sous cette double influence que Pudentius s'était décidé à venir chercher sa fille au village. Avant de répondre aux paysans, qui malgré son sarrau de toile et ses cheveux défaits se tenaient devant lui dans une attitude très digne, il se tourna vers les parents qui l'accompagnaient comme pour leur demander conseil. Sans doute il était étrange de voir le même homme qui avait paru la veille si majestueux et si sévère, assis sur une chaise d'ivoire, avoir l'air ce jour-là si perplexe et si irrésolu. Mais le prince du Sénat, en dépit du sang et des préjugés patriciens qui bouillaient dans ses veines, appartenait de très près à cette race de vieux Romains, invincibles et indéracinables, quand le droit se prononçait pour eux, fragiles comme un roseau quand son appui leur manquait, et dans cette affaire, après tout, qui pouvait dire de quel côté était le droit ? « Tiens bon !» murmurèrent les parents, et par la porte ouverte toute grande, on entendit les clients, plus nombreux encore que le jour de la naissance de Galla, répéter les mêmes paroles. Docile à ce multiple avis, Pudentius tint bon et dit aux paysans « Moi, Pudentius, prince du Sénat, je viens te réclamer à toi, Rusticus, ma fille Galla Pudentia, que tu détiens indûment et illégalement dans ton domicile. »« J'y suis de mon plein gré, » s'écria Galla, incapable de se contenir plus longtemps, « et j'entends y vivre et y mourir aux côtés du seul homme que je reconnaisse pour mon père et qui est celui-ci. » Il y eut des ricanements ironiques dans l'entourage de Pudentius, et la rue pleine de clients se mit à rire à son tour. La jeune fille alors, échappant à son père qui essaie de la retenir, s'avança, les yeux étincelants de colère, vers la foule qui outrageait ainsi ses plus chers sentiments. « Vous riez, » s'écria-t-elle, « vous riez parce qu'une jeune fille libre, que vous croyez être de votre sang, mais qui ne veut pas, elle, de cette origine, si illustre qu'elle soit, prétend rester la fille d'un simple paysan. Vous riez parce que je préfère le travail à l'indolence, la misère à la richesse, et le cœur affectueux de ces pauvres gens qui m'ont recueilli au cœur de chêne ou de pierre que renferment vos poitrines. Moi, une patricienne, moi, une Pudentia. Je ne sais si vous dites vrai quand vous affirmez que je suis la fille de cet homme à la toge bordée de pourpre qui vient me réclamer les armes à la main. Mais quel que soit le fondement véritable de cette histoire, qui ne repose que sur le témoignage d'esclaves aussi corrompus que leur maître, sachez bien qu'il n'est pas d'autorité au monde qui puisse me contraindre à partager votre opulence. Qui donc m'a recueilli quand, faible enfant qui venait à peine de naître et déjà abandonné, je gisais presque expirante sur les marches du temple de Vesta? Quels yeux ont souri aux miens? Quelles lèvres ont touché les miennes quand ceux qui m'avaient donné le jour venaient en souriant de prononcer mon arrêt de mort? Et ce sont ces mêmes bourreaux qui, tout étonnés de voir vivante la proie qui leur a jadis échappé, voudraient la ressaisir aujourd'hui. Loin de moi leur langue flatteuse, loin de moi leurs protestations hypocrites, loin de moi leurs trésors qui me corromperaient comme ils les ont corrompus eux-mêmes. Je n'irai point habiter les palais somptueux dont leurs rapines ont fait tous les frais. Je ne m'étendrai pas sur les lits de pourpre teints du sang des malheureux, et si la destinée plus favorable m'accorde un jour des esclaves, au lieu d'en faire les instruments de ma paresse et de mon luxe, je travaillerai avec eux, comme ont fait nos ancêtres, au dur et bienfaisant travail de la terre, sous la clarté bénite du soleil. Ô mon père Rusticus, ô ma mère Rustica, c'est par vous que j'ai vécu. C'est pour vous que je veux vivre et mourir. » La sortie de Galla avait été si violente et si inattendue que personne n'avait osé souffler mot. La bonne Rustica, tout étonnée de l'éloquence de sa fille adoptive, joignait les mains sans rien dire. Rusticus contenait avec peine son émotion, et dans la foule même des patriciens, si durement traités par Galla, courait un frémissement d'admiration. C'était après tout le sang des Pudentius qui avait parlé par sa bouche. Quant au prince du Sénat, les yeux baissés et les dents serrées, il semblait se livrer à lui-même un violent combat. Mais enfin ses traits se détendirent, un sourire parut dans son regard, et il dit à Galla, d'un ton plus doux qu'à l'ordinaire, « Tu as bien parlé, ma fille, bien que tes paroles aient peut-être dépassé la limite du respect que tu devais sinon à ton père, du moins à un vieillard tel que moi. Mais c'est là un défaut naturel au sang impétueux de la jeunesse, et les têtes blanches comme la mienne ont pris à l'âge trop de sagesse pour s'en offenser aisément. Ce n'était point te faire injure que de saluer en toi l'héritière du noble sang des Pudentius, et l'éclat de tes généreux sentiments prouve assez que tu étais digne de l'honneur que je voulais te faire. Mais rassure-toi, puisque ton désir est irrévocable, tu continueras à partager cette chaumière avec ceux qu'a choisi ton cœur, et je ne veux en partant t'adresser qu'une prière. Je suis vieux, et je penche vers la tombe. Bien que j'aie beaucoup d'enfants et de petits-enfants, honneur et joie de mon foyer, permets-moi de venir de temps à autre m'asseoir au tien, et si jamais, ô ma fille, le malheur, ce dont nous préservent les dieux, s'abattait sur ton humble demeure, souviens-toi ce jour-là, et vous aussi, Rusticus et Rustica, souvenez-vous de Pudentius. » Vaincue par ces généreuses paroles, la jeune fille vint s'agenouiller aux pieds du vieux patricien. « Oh, mon père, » dit-elle en lui donnant ce nom pour la première fois. « Oh, mon père, comment reconnaîtrais-je tant de bonté ?»« En ne faisant rien, » répondit Pudentius, « qui soit indigne de la noble famille à laquelle tu appartiens malgré toi-même. » Galla comprit ce que parler voulait dire, et résignée d'avance au sacrifice qu'on lui demandait, elle accompagna Pudentius et son cortège jusqu'au temple de Vesta. Arrivée là, elle pria le sénateur et ses parents de la suivre dans le sanctuaire. Les clients, restés à la porte, suivant leur habitude, s'associèrent pourtant à ses prières, et Galla, entourée de tous les membres de sa famille, qui remplissaient le sanctuaire, debout devant l'autel et la tête légèrement inclinée, laissa tomber ces mots. « Écoute, ô Vesta, l'humble prière de ta fille dévouée. Mes parents m'ont dit bien souvent que tu avais conduit mes premiers pas sur cette terre, et que je devais à ta divine protection de ne pas être devenue, dès ma naissance, la proie des loups dévorants. C'est ainsi que tu veillais jadis sur le berceau où dormaient Romulus et Rémus, quand les flots débordés du Tibre, au lieu de l'engloutir, le portèrent doucement près du figuier divin. Si depuis, ô déesse, celle que tu as sauvée ne s'est pas montrée ingrate envers toi, si je n'ai pas cessé de couvrir ton autel des prémices de nos vergers et de nos champs, exauce aujourd'hui les vœux que je t'adresse. Que l'illustre famille des Pudentius, à laquelle je me fais gloire d'appartenir, soit comme par le passé et jusqu'à la fin des siècles le plus ferme rempart de l'État qu'elle a tant de fois sauvé de la fureur de ses ennemis. Mais en même temps, ô déesse, laisse tomber sur ceux qui m'ont nourri un regard favorable. Donne-leur une vieillesse paisible et sans alarme, et si ta servante, déjà comblée de bienfaits sans nombre par ta puissante intervention, peut encore demander quelque chose pour elle-même, accorde-lui la grâce de ne pas les quitter tant que la vie habitera leur corps et de fermer leurs yeux le jour où la parque cruelle aura tranché le fil de leur destinée. Ce jour-là, ô Vesta, quand tout ce que j'ai aimé sur cette terre aura disparu dans la flamme du bûcher, je n'irai pas chercher d'autre demeure que la tienne, je n'irai pas m'asseoir à un autre foyer que le tien. Reçois-en ici de ma bouche en présence de tant de témoins le serment solennel. » Galla fut fidèle à sa parole. Tant que vécurent ses parents adoptifs, elle demeura auprès d'eux, occupée comme jadis au travail des champs. À leur mort, malgré les sollicitations des Pudentius, elle refusa aussi bien de rentrer à Rome que de lier sa destinée à celle d'un mari. Elle dédaigna de redevenir patricienne, mais elle ne voulut pas non plus déchoir en épousant un paysan. Le soin du temple de Vesta, auquel elle rendit son ancienne splendeur, occupa ses dernières années, et par un soir d'été semblable à celui où nous l'avons vue porter sur les bras d'Atarbas, elle s'assit sur la marche même où elle avait été exposée et mourut doucement. Vesta, qui n'avait pas cessé de la protéger durant sa vie, lui fut clémente à l'heure suprême, et l'on a retrouvé il y a quelques années, dans les ruines du temple, la pierre bien modeste qui couvrait son tombeau. On y lisait ces mots qui sont toute son histoire. Sigi Galla Pudentia, née d'aïeux illustres, elle mourut plébéienne. Elle fut simple, pieuse et frugale. Que la terre lui soit légère. Ainsi s'achève Galla Pudentia de Charles Normand.